Ceci est la fin de ce rêve. L'esprit fuine. Comment vous sentez-vous? Avez-vous besoin de quelque chose? Donc nous allons continuer à nous enfoncer dans la forêt des rêves, encore plus loin des sentiers battus. Ça pourrait être... c'est une chose qu'on fait ensemble, mais comme c'est pas du rando, sur un espace délimité, ça peut faire une sens. Ouais. On peut avoir posé être en embuscade. Ouais. On attend. Moi j'avais imaginé qu'on chassait justement des oiseaux, des rapaces. Mais en fait, comme il y a fort peu chance qu'on les voit, il se trouve que visiblement ils auraient disparu de la forêt. Et en fait ça nous plonge dans une profonde angoisse. Parce qu'en fait, quand on mange de ces rapaces, on oublie nos angoisses existentielles qui sont profondes. Le fait que les rapaces aient disparu, c'est vraiment la loose. Et donc, on s'est mis effectivement en embuscade dans un endroit. On espère qu'il y aura des rapaces qui vont venir. Avec la tension qui monte, le manque qui... C'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de matériel qui ferait style. On est capable de chasser des rapaces, on n'a pas de fusil, tout ça. Bah, on a des bâtons. J'ai un pont pour faire. J'ai une proposition à vous faire. C'est qu'on est capable de jouer de la musique qui les étourdit. Et donc, parce que finalement, c'est le seul matos qu'on a sur nous, c'est de la musique. Et c'est notre méthode de chasse en fait. C'est-à-dire qu'on tue les oiseaux avec la musique. Voilà. C'est pas mal. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin de plus? Moi, ça me paraît suffisant. Ouais. Très bien. Alors, on va aller une partie de Est-ce qu'on définit nos personnages dans tout le monde ou est-ce qu'on va faire... On va se déplacer. On pourra peut-être aussi broder sur le fait qu'il y a une petite... En fait, le train, c'est un égrégore. C'est-à-dire que c'est le train du passé, il passe pas vraiment quoi, peut-être qu'on le voit mais c'est un fantôme quoi. Et en fait à chaque fois que le train passe, ça réveille nos angoisses existentielles, c'est une espèce de train du souvenir et tout, et ça nous fait hyper bader. Ça vous va ? À chaque fois en fait ça le manque du fait qu'on n'ait pas mangé de piaf depuis un moment. Ouais c'est ça ouais, ouais ouais. Très bien. Après s'il vient pas du tout on peut le jouer quand même sans. Oui on peut dire il y a un train qui passe en méta par exemple pour... Je pense que... Je préfère personnellement que... On a une angoisse diffuse de toute façon et que le train c'est vraiment le vrai train, enfin on, okay. on et comme pas ça le c'est un peu hasardeux, ça va renforcer l'effet réalisme magique. Ok, c'est fait pour... on va encore un tout petit peu traverser dans la forêt des rêves. Là on se rapproche du train. Est-ce que limite de pas s'entendre, peut-être mieux qu'on aille je sais pas par là. On est au seuil de l'immanence. C'est-à-dire que une fois qu'on aura passé entre ces deux arbres, l'immanence commencera. Il reste une toute dernière étape. Il est 11h24, l'immanence prendra fin à 12h30. Donc on a au fond de 1h pour jouer. C'est ce qui était prévu. Non, normalement je crois que c'était 2h. Non, c'est ce qui est prévu. Ouais, on avait pris 2h, mais en fait on va voir que 1h. J'en suis navré, mais le temps fait ce qu'il fait. J'ai essayé de rusher les ateliers, mais bon, ils sont quand même copieux. Je m'en rends bien compte. On va faire intervenir de la sauge. On va faire brûler un peu de sauge par terre. Je sais pas si ça partira, mais on va essayer. Ça marche que dans un récipient. Bon, T'as pas un récipient ? Si. Si, t'as ton bol tibétain. Oui, mais il va être flingué. Non. T'es sûr pour le bol tibétain ? Ouais. Okay. J'ai déjà fait. Mais ce sera peut-être plus facile comme ça. T'as plus. Ça commence à. Il nous reste déjà. De... Non, c'est important que ce soit au milieu de nous. Oh merde. Clairement, je pense à chaque fois dans une boîte de conserve. C'est ça que je fais. Oh, c'est pas grave. Sans. Bah si, là ça a pris. Ah bon, très bien. Donc en fait, en tour à tour, on va présenter notre personnage. On a juste le temps d'une allumette pour le présenter. Vous avez une allumette pour dire ce que vous avez. Non, mais c'est ça. Non, c'est pour essayer de. Non, ils sont mouillés, c'est ça. Ça, ouais, ouais, la feuille. Voilà. Ça va. Si vous présenter son perso. Je m'appelle Tho. Tho. Je suis un. Quelqu'un qui vit très mal le manque d'oiseaux. Qui s'est mis à essayer d'assembler des choses, des restes d'oiseaux, des squelettes. Des. Il fait des trucs bizarres dans son coin. Je m'appelle Joseph, j'ai perdu femme et enfant, je suis un peu perdu et je me raccroche aux cartes que j'ai dans ma poche, qui donnent du sens à ce que je fais. C'est un running gag. Je peux en démarrer une? Non. Bon, si j'ai vraiment suicide, tu peux en démarrer une. Ça va être quelque chose. Donc on m'appelle le sourd car je suis sourd et je cuisine des fois des plats même si on sait pas trop avec quoi je cuisine et ben ça s'arrête là. Ça va être un running gag. Mon nom est Omega. Je reste toujours un peu à la traîne, à la larmoyer sur mon sort, à la larmoyer sur notre sort. Toujours à me plaindre de mes rhumatismes. On m'appelle Piop. On m'appelle comme ça parce que je viens d'une contrée lointaine où a priori on. Bon. Bah voilà, on n'en saura pas plus. Tu gères là-bas ? Pardon. Je suis Koi, je suis le chaman. Donc, encore une fois, chassons bien les puines, un peu loin de nous. Il va être temps de rentrer dans l'immanence. L'immanence commence dès lors que nous franchirons ce seuil. Elle va commencer avec une chanson. En fait, je vais être possédé par une chanson qui va me... Et quand vous entendrez à nouveau la chanson, c'est le signe que l'immanence sera terminée et nous ressortirons du bosquet, sauf ceux qui n'ont pas achevé leur rituel, qui devront rester à l'intérieur parce qu'on pense qu'ils sont transformés en monstres et ils n'appartiennent plus à la communauté. Tout leur rituel enfin, il faut faire tous tes rituels, sinon tu te transformes en monstre, ça va être chaud patate parce que vous n'avez qu'une heure, donc je pense qu'il faut en faire trois. Ça va être rigolo. Vous ne vous sentez pas obligé de les faire les trois si c'est pas possible. Bon, du coup... j'ai besoin d'un musicien qui va... J'aimerais bien que tu joues de la musique. Les autres, en fait, on va se tenir la main. Et on avance. Toi, tu peux pas parce que t'as deux outils de main. Donc, passer ces deux armes, nous serons dans l'immanence. Père le Fils, certes ils sont mortuaires en couronne d'adieu. Ils sont riches, ces morts, qui s'en vont à Matine, prier pour des vivants qui n'ont plus besoin d'eux. Il est des morts qui font germer les fleurs des champs, et ces bourgeons d'amour sentent la remembrance, et font au cimetière un relief d'ortolan où viennent picorer les oiseaux du silence. Normal, les esprits m'ont pourtant clairement indiqué cet endroit comme étant une nasse à rapace. Une offense a dû être faite aux esprits. Les rapaces devraient être là. Ce soir, nous aurions dû en rôtir un. Mais à quoi bon leur demander ? Elle est partie. Les épées encore. Cela présage un affrontement. Bientôt. Peut-être devons-nous nous éloigner. Un peu. N'oublie pas le tabou qui nous régit. L'homme ne porte pas la main sur l'homme. C'est absolument pire. Voir quelque chose là. Le Qu'est-ce qui s'est passé? Il est blessé. Oui, que s'est-il passé? Là, c'est des pierres. Oui, oui. Elle est dans tes chairs. Ah, je souffre. Ils nous ont rien volé. Pourquoi ils ont fait ça? C'est gratuit. Mais les cartes l'ont dit, c'est l'affrontement. J'ai reçu une flèche chamanique. Viens, il faut viens. Il faut qu'on te t'enjoute. Il faut fuir. Un danger. Aidez-moi. Sourd, essaie de me parler. Sourd dit qu'il a un morceau de bois dans ses chairs. Oméga, oui. Tu as un morceau de bois dans tes chairs? J'ai bien mal. C'est bien ça, Sourd. J'ai bien mal à la jambe, mais... C'est bien ça, ou... Pas de bois, moi. Oui, bien sûr. C'est mal s'il a plus là. C'est vrai que ta jambe, elle a l'air un peu dure. Hein. Je l'ai dit, c'est lui qui cherche à nous envoûter, là. C'est lui qui a empoisonné l'eau. Qu'est-ce que tu lui racontes? Pourquoi il aurait fait ça, le sourd? Ah, je sais pas d'où il vient, lui. On peut pas dire. Ah, ouais, dit qu'il est sourd, mais il comprend tout ce qu'on dit, hein. Peut-être le sourd n'est pas sourd. Ah ouais. Peut-être se joue-t-il de nous. Je crois bien, moi. Ça fait beaucoup de choses, là. Toi, oui. t'as une pierre, toi, t'as une blessure chamanique. L'eau est empoisonnée. Je vais me laisser une vie. Les cartes vont nous parler. Sur toi. Quatre. Il cache une richesse, peut-être. Quatre. Peut-être. Chaman, Koi, penses-tu de ça? Est-ce que seulement quatre d'entre nous n'est pas blessé? Viens voir! Viens avec moi, Joseph! Est-ce qu'on doit continuer à nourrir les blessés? Non mais il faut qu'on exercice ça et il faut qu'on rende nos esprits. J'ai besoin d'un volontaire. pour tenter une introduction dans le monde des esprits, dans la forêt des esprits, pour avoir des réponses. Bien. En fait, on le sort, c'est tu. Ces esprits, ils vont te parler dans ta main, la tête. Est-ce qu'on peut y aller tous les deux, Chaman? Non. Parce qu'en fait, tu vas te bander les yeux. Mais toi, là, il n'y a pas de l'ordre de la nuit. Une fois involontaire, si je suis tout seul pour t'aider, ça ne marchera pas. Piotr, il avait une médaille du temps jadis en trop. Pas 4, 5. Pourquoi tu me la donnes à moi? C'est toi le chaman? Oui. Alors racontez. On a vu une femme dans la forêt. Non, un daron. Un daron. Une femme, voyons. C'est un daron. Bah, raconte, qu'est-ce que tu as vu, toi? J'ai vu la cinquième. La cinquième, et je l'ai confiée à notre chaman. Comme ça, oui. Ça éloignera le mauvais oeil. Quatre dix. Mais qu'as-tu vu avec nous? On a vu un daron. J'ai vu le cinquième. Ah oui, tu as raison. C'est ça. Bon. D'accord, définitivement. Comment? Nous avons besoin d'un volontaire pour... J'ai besoin d'un volontaire pour aider à Tho à entrer dans la forêt des esprits pour avoir un ou plusieurs volontaires. Il va effectuer un voyage bardique très dangereux et il faut que nous soyons là pour l'assister. Qui est volontaire? Bien, retournons là. Je suis sûr que c'est une femme. Tu as vu? Je suis pas sûr. Ce serait pas plutôt parce que t'as perdu ta femme que tu dis ça? Pourquoi tu me rappelles ça? Pourquoi tu me rappelles ça? Dis-moi si tu as besoin d'aide. Ça se fera progressivement. Au début, tu seras le vieux, et après, tu seras un esprit. Tu comprends? Cette possession peut être bouleversante. Es-tu prêt à supporter? C'est un peu compliqué à dire. Avance un peu. Tu seras seul, tu guideras dans la forêt des esprits. Tu pourras y faire des rencontres bonnes comme mauvaises. C'est pas à leur parler. Sourd, il est parti. Sourd, reviens. C'est dangereux par là. Sourd. Sous. Zou ! Par là, suis-moi ! Non, pas de moi ! Le brave sourd s'en charge. Toi, chassé, là-bas, le darou. Suis-moi. Vous êtes d'accord? Il n'y a pas de personne qui oppose. Allez, Zo, viens, viens. Qu'est-il dit, Tho? Il va falloir faire des choix. Tho, tu m'effrayes. Je sais que tu souffres plus que nous de l'absence de rapace. Oui. Je ne suis pas blessé. Tu dois manger, mais si tu chasses pas, manger du bois. Les esprits ont été traités là. Tho, le 4 de Denis, tu as tiré? Oui. Le porteur. Oui. Les quatre deniers. C'est vrai. Le temps va se passer. Et vous deux. Deux minutes, Bec. Deux minutes, Zo. Zo. Après ce que disaient les esprits. Zo, qu'est-ce que tu fais? Il va falloir que je reste. Je ne peux pas vous forcer. J'ai peut-être une autre solution. Quelque chose me vient. Il faut que je t'explique à part. Quoi vous avez envie? Explique à part, ouais. Zou, Zou, attends. Qu'est-ce que tu veux? que c'est un verre. Il veut qu'on mange du. Celui qui, fait la chasse aux darons, en fait, fait partie d'un jeu de dupes, on le laisse dans la forêt. Tu iras le voir et tu convaincras d'y rester. Le sourd. Le sourd. Sont partis. Non, non, n'y allez pas. Pourquoi ? Vas-y toi. Tu as raison. La protection des esprits. C'est les vaillants. Manger les bâtons. Justement, je vais vous en faire tout ça avec toi. C'est plus pour un autre chose. Mais c'est plus pour maintenant. Charge le 100K. Écorché dans la chassette, ça roule. Ça va te faire extrêmement mal. Tu vas te faire comme un lien, mais enfin, si tu le fais, tu vendras. Non pas l'homme que tu es. Le tueur. Un vrai homme, le vrai homme. Il a demandé à Joseph de manger des branches pour le tuer. Joseph m'a demandé de manger ses branches. Faut que t'arrêtes tout de suite. C'est trop tard. C'est lui qui a commencé ça. Oui. Faut vraiment le tuer, il va encore l'emporter. Le sport, mais t'es vraiment pas ça. Ça n'a pas été très amoureux. Plus jamais, tu ne partageras notre feu. Plus jamais, tu ne partageras notre nourriture. Nous te volerons ton instrument, plus jamais tu ne chercheras les oiseaux. Non ! Emmenons-le au camp ! On le tuera ensemble ! On va en venir de ce prêtre ! Allez ! Va-t'en, prêtre ! Va-t'en ! Ne reviens plus jamais ici ! Empoisonneur! Monstre! Parjure! Va-t'en ! Faut qu'on arrive à démontrer et reconstruire un nouveau truc. Reconstruire. Attends, on va voir s'il peut se rendre. Va chasser les garous histoire qu'on puisse manger. Vas-y, je t'accompagne. Allez, suis-moi. Et lui qui a inventé le bois, ça, c'est le tard. me garer. J'aurais pu me garer. Parce que toi, tu ne subis pas, hein. Tu crois que je ne subis pas. C'est pas que tu te sens si calme, si heureux. Tu te sens silence un peu. C'est pas possible, c'est ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas que tu... Enfin, débarrassez de l'empoisonneur. Au revoir, là, il croit qu'il est avec son... J'ai même plus le nom de la bête. Je vais faire une bonne que je lui ai dit pour qu'enfin il nous laisse tranquille et qu'il arrête de nous... Bien vu. Comment ça, les anciens des arcs? Laisse-le, c'est un poison, on peut pas lui manger tout comme ça. Pourquoi tu transmettrais ta science à des criminels, hein? Qui sont corrompus, c'est ceux qui ont mangé les branches de ton empoisonneur. Exactement. Mais non, t'as pas besoin de parler, je rigole. Et parce qu'il aura perdu, il aura le droit de nous faire tout perdre. Non, vous êtes jeune. Plus au moins, il y a une... Je sais comment faire, Thor. Je vais me faire pardonner d'avoir été un autre homme. J'ai trouvé ça dans ma forêt. Je pense qu'il va. Il va cesser de souffrir. Gracias. Il révèle sa vraie nature. Voyez-le, voyez-le, s'envoler. Voyez-le, il s'envole. Voyez-le brûler et s'envoler tel un phénix. Voyez-le, pas de barou, pas de mensonge ici. Voyez-le juste s'éveiller. Nous pouvons créer la vie. Quelle joie, mes amis. Je suis tellement heureux. Il n'y a pas de mots pour cela. Tu n'es plus méchant. Je ne fais plus de mal. C'est l'envol de l'oiseau, ma. L'oiseau homme. Merci. Est-ce que Sourd peut être guéri? Nous allons tous venir, peut-être, pour nous aider. Pendant la fête, oui. Il faut le faire. Entrer en France, révéler sa vraie nature et perdre. Qu'il perde. Amenons-le à notre fête. Oui. Qu'il entre en transe et qu'il révèle sa nature bienveillante. Soyez festifs. Je vais le chercher. Wouhou. Soyez festifs, les amis. Je vais le chercher. Vous deux, le vieux, le fou. Dans le cadre de son fête, je vais vous dire quelque chose. Priez l'ange oiseau et priez l'angélus et demandez-lui d'exaucer vos prières. Demandez ce qui vous tient le plus à cœur, ce qui vous tient le plus au monde. Et l'ange écoutera nos prières, c'est une femme assez sincère. L'ange écoutera nos prières car il est là, il a été réveillé dans le feu. L'ange est là dans le feu. Et donc, dans votre tête ou à voix haute, exprimez vos prières, faites votre demande à l'ange oiseau. Instruire les arcanes à mon disciple Joseph, le seul digne de me succéder dans la tradition chamanique. Le Dieu, si tu as une requête, dis-la à haute voix dans ta tête, mais dis-la le plus fort que tu peux. Tu es l'oiseau, dis la haute voix ou dans ta tête avec des questions demandées tout seul. Nourris-nous. Mange l'oiseau, je pense que c'est lui. Nourris-nous. Parfaiture, pas parfaiture. Chaman ou pas chaman. Corde-nous la satiété. Sourd, viens. Mon petit, si tu as dit un sang, l'oiseau, dis-le maintenant ou tais-toi à jamais. Viens au centre, sourd. Crie dans l'oiseau. Viens au centre, sourd. Oublie le sourd, prie. As-tu une demande à faire? Le sourd il se repentit. Le sourd vient et le sourd. Le sourd, il se repentit. Maintenant, je le sais, l'ange oiseau exaucera toutes nos prières. Il exaucera toutes nos prières. Il exaucera toutes nos prières. Il nous écoutera et ce que nous avons demandé se réalisera. Ça, j'en suis certain. J'ai faim! Nous avons deux objectifs, mes amis. Un grand tour et le premier. Tu comprends que l'ange oiseau va exaucer toutes nos prières? Oui. Sa prière sera exaucée. Nous allons faire parler feu. Et l'ange oiseau va mourir maintenant. Peut-être si nous faisons notre fête avec beaucoup de bruit, beaucoup de musique. Il faut le cri qui tue, le cri de sourd. Exactement. Sourd, viens. Crie, pousse ton cri. Sourd, pousse ton cri. Sourd. Tu ne partiras pas. Tu dois parler, sourd. L'ange oiseau l'a promis. Tu dois parler, tu dois crier et faire tomber les rapaces. Pousse ton cri, entre en transe. Pousse ton cri. Pousse ton cri d'oiseau, ton cri de rapace. Tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Pousse ton cri, sourd. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. T'énerve pas. Tu vas retomber dans l'excès. Chante avec nous. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Pousse ton cri. Il a révélé, il nous a révélé la nature, il nous a révélé tout, enfin, enfin sauvé. Il a poussé son cri. Vous ne l'avez pas entendu? Non. Ouais. Tu rêves. J'aurais dû crier. Je veux pas. Tu ne veux pas. Il va nous arriver. Malheur, c'est tout ce que tu nous as apporté. C'est toi qui m'avais donné le bâton. C'est toi qui m'avais donné le bâton. Le train! Entendez! Non, stop! On n'est plus sourd. Qui t'es? C'est pas sourd, c'est qui t'es? Qui t'es? Qui t'es? Bienvenue parmi nous. Oh, il faut parler. Bienvenue parmi nous. Viens. Viens à notre fête. Allez, viens tout soyez avec nous. Les oiseaux tomberont du ciel pour nous rejoindre. Regarde, je vais chercher mon instrument de musique. Viens avec nous. Viens te réjouir. Maintenant, faisons du bruit. Faisons tomber les rapaces. Si tu fais participer avec nous, peut-être que nous allons y arriver. Viens, tu fais. Viens. Je me souviens de la fois où on a fait tellement de bruit qu'ils nous sont tombés dessus directement. C'est vrai. Directement c'est sur la tête. Quand il y en avait encore plein. Il y en a même un qui m'avait chié sur la tête. Regardez, ils reviennent. Les forces. Ils sont morts quelque part, on peut encore les trouver, je suis sûr. L'Angélus a dit qu'il exaucerait nos prières. L'Angélus, il est toujours présent. Il est toujours présent. Il suffisait de croire en lui. On a cru en Lucifer. Il a dit qu'il nous exaucerait. Écoutez l'oiseau. On a fait tout ce que les esprits ont demandé. Moi je sais qu'il ne croit pas. Écoutez l'oiseau. Je l'ai entendu. Au autour de nous. Allons, tous ensemble, chassons les oiseaux. Mais enfin, sourd à parler. Tu as dit pourquoi? Tu l'as entendu toi aussi? Il a révélé sa vraie nature d'homme. Sourd, tu es guéri, tu es des nôtres maintenant. C'est qui, nôtre? Oui, bah non, c'est très très proche. Nôtre? Nous tous. Non, non. Moi, je vais essayer. Non, mais non. Je pense que tu es prêt, tu devras développer ta propre tradition. Il est encore passé. Tu devras guider les autres, tu seras Dieu, tu nous trouveras confiance et qu'on nous aimera. C'est vrai. J'ai malheur. Mais il me comprend. Alors, oui. Il me comprend pas. Tu acceptes cette chanson. Notre situation. On mériterait de manger et l'enlever. Je ne connais pas cette chanson. Promis. Tu la rends claire, tu seras comme du sang. Et en fait, que ça. Ou déclame là. Tourner dans la fausse idole. Mais je suis faux esprit. Il est où en ce moment? Je te dirai quand on va chanter. C'est moi, je vais te dire. Lui qui devrait nous exaucer. Dans la prière de mon fort. Tu es courageux. Quoi? Je me transformerai par mon relâche. Mais de toute façon, on ne peut jamais. Moi. Tu m'as sauvé. Demandez. Demandez à des gens plus forts. Mais. Il n'y a jamais de gens plus forts. Il n'y a que des êtres et aucun chef. Je sens Dieu des êtres. Je continuerai quoi? À aider sourds. Sinon, je serai ton. C'est quoi? Des choses qu'il ne faut pas croire. Quoi? Quoi? Ah, mes frères, alors, ça se dit. C'est. Voir en l'autre la vérité. Voir que l'autre dit la vérité. Mais quand on voit la vérité en le mensonge, alors il ne reste que mensonge. Pas comme le vieux, lui. Lui, il va rétrécir. Mais ou autre lui? Non. Autre lui. Autre lui. Enfin. Lui est parti. Les idoles, les dieux, on n'y croit plus. Toi, être autre on lui. On a trouvé la vérité sans aucun maître, sans aucun dieu. Je suis condamné désormais. Toi, être autre lui? Oui. Je suis condamné. À qui? Tu seras apaisé le jour où je serai mort. C'est quoi? On a les été enfants, à... vois les cadavres, vois les cadavres là. Et encore tout garni de la viande. Gamin? Gamin, oui. C'est qu'une question gamin de patience. Se réjouit. Gamin se réjouit. Rétoui? Rassure-toi. On mangera peut-être qu'on vient. Manger? Si les esprits l'ont raison, c'est qu'on va pas. Pour nous libérer. Et maintenant, nous allons franchir le voile de ces deux arbres. Tous ensemble, donnez-vous la main. Donnez-vous la main. C'est quoi, main? Ça. Ce qui attend ta... Non. Ah, ça? Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié, mes amis, et nous allons retraverser. Tout est lié. Remerciez. Tout est lié. Remerciez Paul de son sacrifice. Tout est lié. C'est un privilège de vous avoir connu. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Regardez. Tout est lié. Paul nous abandonne. Il nous a donné sa vie et nous allons maintenant retraverser ensemble. Êtes-vous prêts, mes amis? Oui. Alors, chantons, avancez, je vous guiderai jusqu'à la délivrance, jusqu'à la joie que Koï m'a donnée. Pourquoi seul toi? Tu peux y aller, José. Guidons-nous tous. Tu as raison. Tu es. Il a l'esprit de Koï en lui. Tu as le bon esprit aussi. Les morts ont des anges gardiens en fer de cygne. Certains mortuaires en couronne d'adieu. Ils sont riches, ces morts qui s'en vont à la fine. Priez pour les vivants qui n'ont plus besoin d'eux. Ceux qui n'ont pas fait la pistole, je vais les morts qui font le fer germer les fleurs des champs. Et ces bourgeons d'amour sentent la remembrance et font au cimetière des reliefs d'orphans. Il a pas fini. Ou bien. Picorer les oiseaux du silence. Pardonnez à tous. Dites-lui. Adieu, Tho. Dites-lui à deux. Adieu, Tho. Pardonnez-le. Allez, vite, il arrive. Non, non, c'en est fini de lui. C'en est fini. Je te pardonne, Tho. Nous te pardonnons. Pardonne-nous de ne pas avoir su t'aider. Adieu, Tho. Adieu. Fuyons, mes amis. Il est dangereux. Il est dangereux de récupérer. Il est dangereux. Dangereux. On est tout ensemble. La plus beau des plus belles des terres, sans la forêt, sans les Grégor, sans l'oubli, sans tout cela. Tous déposer à terre un des objets qui faisait notre identité, et nous allons rappeler notre nom de fuine et dire quel personnage nous jouions. Comment t'appelles-tu? Alors moi c'est Gabriel et je jouais Piotr dans ma partie. Je m'appelais Joseph mais je m'appelle véritablement Guillaume. Je m'appelais Sourd, qui était muet, mais... Enfin, qui ne l'était plus par la suite, et sinon je m'appelle Mathieu. J'étais le chaman, mais mon nom de fuine est Thomas. Je m'appelais Tho. Mon nom de fuine est Thomas. J'étais le vieux. Ou Oméga, et mon nom de fuine est Claude. Donc, on va remarcher en direction de la gare, parce que l'objectif c'est d'y être à 13h. On va débriefer en marchant. J'ai 2-3 petites questions rituelles à vous poser tout en marchant. Et une fois qu'on sera... si on a le temps, on pourra faire un débriefing plus relâché. Déjà, j'aurais juste vous dire merci. Merci beaucoup à tous. C'était super chouette, je trouve. Ouais. Trouvé. Ouais, j'ai pour une première fois. Bizarre, mais chouette. Mais comme on est tous bizarres, ça passe. Voilà.